You know, bad day. Bad girl, me a bad dude. Bad girl, me a bad dude. Toujours deux bouteilles au meilleur yo quoi des clowns. Bad gal, me en bad jaune. Allez passe la nico bien poum poum. La ni chacal quoi des lèches boules. Toujours deux bouteilles au meilleur yo quoi des clowns. Cocotte, me en poule. Balle et pat pat, monsieur Paul. T'as pas le level, t'es tout pâle. Et si t'as faim, prends ton pull hein. Tap, clap, fais, c'est. Attention les oubés, c'est. Faut pas que oublé, c'est. Clap, clap, fais, c'est. Attention, les oubés, c'est. Faut pas que oublé, c'est. Passe la ni en danger. Pas ni paquito, si pas ni en batchoum. Pas ni manigan, si pas ni tchopoum poum. M'en réveille en cas là, mais t'es basse. En café ex, maman, il chou, baissez bas. Où les belles fesses, est-ce ou ni kao, j'ai pour ça. Où les bad day, est-ce ou ni papier pour ça. Clap, clap, fais, c'est. Attention, les oubés, c'est. Faut pas que oublé, c'est. Passe la nuit en danger. Clap, clap, fais, c'est. Attention, les oubés, c'est. Faut pas que oublé, c'est. Passe la nuit en danger. Bad gal, mi en bad jaune. Allez, passe la nuit, combien poum poum. La nuit, chacal, quoi des lèches boules. Toujours deux bouteilles au meilleur, quoi des clowns. Clap, clap, fais, c'est. Attention les boulets, c'est Pompom Wet Studio.